rap 100% explicite lyrics. C'est parti pour la nocturne 100% rap français. Juste après l'équipe de Difool, la radio libre. C'est parti pour deux heures de son 100% rap français avec l'invité de Planète Rap cette semaine, Marc et Avi. L'album est sorti lundi. C'est Tunisiano. Des snipers à écouter pour débuter cette nocturne. Aux côtés de Lino. Lino qui est l'annoncé dans Planète Rap cette semaine reviendra avec un nouvel album. Ce sera au mois de septembre. Lino d'Arsenic, enfin au mois de septembre. On va écouter les deux réunis sur le morceau Val de Zouave. Il y aura juste après, allez, juste derrière pour se faire un petit plaisir, un classique de Sniper. Je vous en dis pas plus, il arrive dans un instant dans la nocturne. Et plein de nouveaux sons à découvrir. Du Gradur, un gars qui nous vient du 59 dans la nocturne 100% rap français. On écoutera le poteau Robs qui est passé en freestyle avec d'autres artistes présents sur un morceau qui s'appelle Avengers. Je vous en parle dans quelques minutes. Coup d'envoi de la nocturne 100% rap français avec notre invité cette semaine, 2021, Tunisiano. Planète Rap 100% rap français. Actif comme si j'avais bu 12 cafés. Je me fais rare comme un camp positif sur Boost Café. Je vis à l'écart pendant que ces clébards ne font que taper. Couche tard, va savoir pourquoi ils veulent tous rapper. Grand trafiquant, les narines pleines de perles, un pimpin. Côté déviant, sont stupéfiants autant qu'un cycliste italien. Je parle pour les miens, j'ai l'âme du compétiteur. Des rappeurs crèveraient pour être entêtés sur Twitter. Ray, allez viens, frérot, je te mets bien. Puis l'enfant, je crée l'écart, choqué la France, 95 nectars. Tous ces chiens sont tricards, éminables. Toutes leurs conneries m'indiffèrent, inimitables. Même Willax, plus rien y faire. Hey, good. J'ai le diable dans le coffre, je suis défoncé. Jésus, c'est le pilote. Dans un coin de ma chambre, le rap français a oublié sa culotte. J'accélère loin des négros vrais comme le cul à Nicky. J'entends, tu sors un disque, y'a des featuring, mec, t'as Mickey. Sors pas du ring, du liquide dans le sang sur le game jury. Y'a rien de dansant, Dieu est seul juge, c'est jamais le même jury. Personne ne bouge, des fourrailles secs au premier geste brusque. Dans ma secte, on fait dans le chocolat comme Jeff de Bruges. C'est vrai, les noirs, les arabes sont trafiquants pour la plupart. Et clés du trou, les fourniraient sont blancs pour la plupart. Et on fait quoi une fois qu'on a dit ça au peuple lyrique? J'te nique avec l'accent de l'autre côté du périphérique. J'ai mille fois tenté de me faire comprendre par ces gens. Ces petits bourgeois n'ont jamais arpenté d'endroits indécents. Et j'suis courtois, pas de ce qu'on fait leur classe en les champs. Froid et sourd, moi j'les fais chier. Attends, j'vais t'apprendre à détendre. Ma vérité est boycottée comme Cassius Clay ou Farrakhan. Ta liberté localisée sur une petite île à Manhattan. Rêver de se fondre dans la masse, intégrer, taper. Tel un suc dans la tasse, mais la France c'est pas. L'amour est soudaine, le cercueil fait de la déco. Ça vient de Deuil, Vignier, le Bel, toutes les villes à déco. Rock leur soirée mondaine, je règne dans des tripots. Oui, je préfère qu'ils me craignent, qu'ils me saignent et m'appellent amigo. Faut que soit, j'ai la dalle, donc je les dogine, avant-gardiste. Depuis que mon dentiste m'a limé les canines, je rentre en piste, pas pour les épater. Le clown est triste, donc je vais les taper. Le cerveau amoché, les potes me manquent parti trop tôt. Je pense à Roger, MC Tevin, tu joues de la flûte, je te laisse sous mes pieds. Non, je traite pas ta mère de pute, parce qu'y'a pas de sous-métier. Non, y'a pas de sous-métier, non, y'a pas de sous-métier. Non, donne pas ton frère au stup, ou c'est la haisse tout l'été. Val d'Oiseur, Val de Zouin, écraseur de pute. Le beat brûle des voiles de Zam. Porsche 900, 400 litres, on a la pesée. Moins 230 kills, Tunisiano, ça doit peser. Fidel Bastos, Deuil la bombe. Appelé à la barre, musique à pompe. Où est le matos, tricard même sans la barbe. Violence, weed et alcool brun. Chez nous c'est le terroir. Parfois la dalle habille en Heisenberg. Les Walter White, la face cachée de l'iceberg. C'est pas du freestyle mec. T'es comme attaché à ma cam, un genre de cristal net. Le rock a perdu ses couilles, le rap a changé de sexe. Allez tous au bois, suivez le conseil à six coups en access. Prime time, tu ne verras pas kicker. Je me mêle pas à leur foule. Autant voir le président du CRI faire une quenelle. À la fouille, j'ai laissé le sourire, l'ADN sur la scène du crime. Je fais la musique du diable, pété au sang du Christ. Que des buzz prématurés, plein de carrières dans les couveuses. T'es un crash test et un go fast, ta zig fait l'ouvreuse. Trop de fans, je suis un peu Dexter, j'ai que des buts sans gants. Y'a moins de fans que des experts, suceurs, des plus.

suce ta bite, ton fric, ton buzz et même ton coco. Et te fait maigre à tout ton bénéf de la bibi. Tu repenses à elle seule dans un bar avec ta bibi. J'suis pas ton mec, ton pote, après dire pas ton mari. Si j'dis je t'aime, c'est juste pour Ken Barbie, j'vais crier. Y'a pas plus brut, plus cru, plus trap, plus crade, plus dit que ça. Depuis 8 mois, j'bois ta chatte, du game avec du mixage. Y'a pas plus cru, plus crade, plus jeune, plus crap, plus dit que ça. Depuis 8 mois, j'bois ta chatte de tes rappeurs avec du mixage. Bah ouais, hein, cousine. T'as cru que t'allais me la mettre? T'as cru que t'allais la mettre au gradu? Hein? Je te l'ai dit il y a une semaine. Fuck love. Je répète, fuck love. Tu fais la meuf clean, il sort pas dans les chichons. Je l'ai vierge, car tu t'es prise dans le cul et pas la te chasse. Non, non, pétasse, crois pas que tu vas nous bluffer. Je te la mets, je veux partir rien qu'avant le réveil, je suis refait. J'l'ai l'herge, car tu t'es prise dans le cul et pas la te chasse. Non, non, pétasse, crois pas que tu vas nous bluffer. J'te la mets, j'veux partir, rien qu'avant le réveil, j'suis refait. Kilomètre, chégué. Hey, yes, on est ensemble, mon chégué. Force 5-9, on fight. 100% rap français. 100% explicite lyrics. La nocturne. Lomé. Joke. Rimka. Pharaon. Et 7 Gecko dans la nocturne. 100% rap français. Motherfucker wanna act loco. Je les frappe, je les chatte, vite j'sors le fofo. Tout est doux comme des alocos. Parle pas de moi s'il y a pas de Togo. J'ai un torrent de mouille sur la verge. Je vois des négros sur la berge. Ils sont comment les mots se marient. On dirait qu'ils ont vu la vierge. Dis-moi pourquoi t'hésites, mais du temps. Tu peux rien contre des mutants. J'ai la chance de l'expert. J'ai la chance du débutant. Si ta biche se laisse faire, c'est pas entièrement de ma faute. J'te jure que mon pote est capable de sauter cette salle. Saute sans capote. C'est pas facile tous les jours pour les négros qui vivent en France. C'est beau ça que si je passe ma rien dans une ruelle, je lui enfonce. J'attends que l'État m'attrape, que le juge me prononce la sentence. 4 saisons de sale sur les noirs, nique sa mère la repentance, nègre. Pas facile tous les jours pour les négros qui vivent en France. C'est pour ça que si je pose ma rien dans une ruelle, je lui enfonce. J'attends que l'État m'attrape, que le juge me prononce la sentence. 4 saisons de sale sur les noirs, nique sa mère la repentance, nègre. La forme idéale, c'est une poupée gonflable. Passe-moi, féfé, je t'en fais une épave, rolline. Regarde, j'ai des trésors de guerre comme un Yougoslave. J'ai 13, hey, c'est pas de la drogue. Power flower, j'fume des monstres plantes. Sortez les glocks, j'ai des punchlines sous cellophane, c'est comme de la drogue. Sors le boîtier, on fait les gosses. On cause pute, on costume, on costume. J'fais un cassé, j'disparais dans les réseaux obscurs. La brigade mondaine, la dope, les milices. Faites pas les pros, les puristes. Pour financer ma putain de jeunesse, j'ai dû braquer 2-3 touristes. J'suis avec mes boulets, rien comme au Liberia, on est armés. On a gros déboursé, remboursé les coffres, on est venu pour les forcer. Les huissiers, les factures, les impôts sur le dos, la police, les soucis. La routine, les potos, on s'en prie, longue peine tombée dans l'oubli. J'suis avec mes boules rien comme au Liberia, on est armé. On a gros déboursé, remboursé les coffres, on est venu pour les forcer. Les huissiers, les factures, les impôts sur le dos, la police, les soucis. La routine, les potos, on s'en prie, longue peine tombée dans l'oubli. Yeah. Refrais, je suis frais comme un bébé congelé. Quand je sors de ma tranchée, faut que le rap français prenne des congés. Madame Météo est une femme fontaine sans lunettes de plongée. Mais des sud-côtés avant que l'État vienne t'éponger. La prison, c'est l'impôt du dealer. Deux balles dans la tête de ce rap game, de taper. Blabla, dis-moi qui veut la peau du killer. MC égorgeur. Je suis venu taper du poing, cherche pas Mehdi à 14h. Il est au café du coin, on est venu casser du groin. Car y'a du facho dans l'atmosphère. Je fais trop de punchlines, je donne de la viande cachère à des facochères, traqué par le commissaire. Car j'ai la méduse à poser sur les branches. Pas facile tous les jours pour les babtous qui dit en France, galjo. Allo Pinel, les cicatrices, on brûle au vitel que dans le pastis. Le rap game c'est Walking Dead, que des hitshots sur MC factice. J'suis timbré la chatte à la factrice. Yop la boum, on est les rois du pain de C4, pas du pain d'épices. à l'opinel. Ils cicatrisent, on boit le vitel que dans le pastis. Le rap game, c'est Walking Dead, que des hit shots sur MC Factice. J'suis timbré la chatte à la factrice. Yop la boum, on est les rois du pain de C4, pas du pain d'épices. Bless. Au-dessus des lois comme Manuel Valls, la gravité témoigne de l'espace. Réserve une place pour ma plus belle balle. J'prie pour les miens, touchez-vous et faites-vous mes espaces. Si j'suis ici, c'est pour les fumer, nègre. Si j'suis ici, c'est pour les fumer, nègre. Wow. Si j'suis ici, c'est pour les fumer, nègre. J'prie pour les miens, touchez-vous et faites-vous mes espaces. 100% rap français, planète rap. La nocturne. MZ. Kierjo. Big Daddy. Pololo. Chop. Big Daddy. Check. Hein. J'ai baisé ma première meuf à la même époque où j'ai pris le mic avec mes refs. À la même époque où papa a quitté maman, mes sentiments sont morts dans l'œuf. R.I.P. l'amour, j'ai écrit de mon sperme sur des paires de stuff. Avant le rap, mes relations avec les filles c'était du genre Nadia Titeuf. Maintenant je les lèche comme des feuilles, elles me sucent comme un bonbon post-it-neuf. Ça pue le sexe dans la maison, ça pue le sexe dans la maison. Comme dans leur freestyle rempli de joyeux garçons. Moi et eux, c'est un peu comme lui les low. Dans leur partouze musicale, tu verras pas Jock Pololo. Des soi-disant ex-féros sont transformés en gros envieux. Voir chuter leur seul vœu, je risque de faire peu sur eux comme un joint d'eux. J'aime être top top quand je les fuck au pieux. Genre des phases de ouf, genre suce-moi avec tes seins. Bitch, rends-moi avec ta bouche, oh. J'espère qu'ils sont prêts car on vient prendre nos yévis. Si il faut tous les crosser, on le fera sans chiffi. Les négros ont trop d'avance, donc faudra je. Négro, mais pour ce papier que je consomme, un petit tour sur Beris, à bord du vaisseau de la Guy. Afin m'assure une machette dans le coffre pour décourager ta prise. J'ai tassé tes couilles pour 30 euros, je me sens pas ridicule. Investis pas sur moi, t'y gagnes à rien comme l'équipe des stupes. Qu'est-ce que je m'en contrefiche qu'ils pensent que je lâche des pics sur leur gueule. Et je peux pas me perdre d'ennemis dans ce peur, à personne meurt, c'est du buzz. Ils sortent sans gueule, on est MDR, se bouffons presque pas à la détente. C'est pas que je suis fier, mais quand je vendais de la drogue, c'était un putain de passe-temps. Ne fais pas de moi ton exemple, tu deviendras colo, c'est sûr. C'était la haine, donc m'en veux pas si j'ai racketté ta ceinture. Tous, j'espère qu'ils sont prêts car on vient prendre nos yévis. Si il faut tous les crosser, on le fera sans chiffi. Les négros ont trop d'avance, donc faudra je. J'espère qu'ils sont prêts car on vient prendre nos yévis. Si il faut tous les crosser, on le fera sans chiffi. Les négros ont trop d'avance, donc faudra je. Les prods d'Equinox sont hallucinants. Les flots de Zoxy font halluciner. MZ d'Abitone présente un des basics. C'est un film d'horreur appelé Allociné. Pendant qu'ils allaient piner, nous allions rapper dans la cave. On aime croire affiné, vous allez taper dans la gaga. À nous, voyez-vous, on a la hargne. Partout où on passera, on le fera savoir. Dieu m'a dit qu'on allait tout arracher, ok. Je vais me fier à savoir. Divine la foi, grosse est la fin. Bonne est la vie, mes enfants. Qui vous a dit qu'on arrêterait comme Kadhafi? On se battra jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Comment c'est chaud vu que tout le monde est là. T'as vu comment c'est chaud un flow zo Modena. Prends tout le monde par surprise comme la Modena. Communique avec des signes, appelle-nous Mandela. Mandela. Mandela. Communique avec des signes, appelle-nous Mandela. Mandela. Mandela. On peut commencer le show vu que tout le monde est là. J'espère qu'ils sont prêts car prendre nos yévis. Si il faut tous les crosser, on le fera sans chiffi. Les négros ont trop d'avance, donc faudra je. Nique le rap, je. J'espère qu'ils sont prêts car on vient prendre nos yévis. Si il faut tous les crosser, on le fera sans chiffi. Les négros ont trop d'avance, donc faudra je. Nique le rap, je. MZ, Zoxy sur le projet d'AMZ qui est dans les bacs. On écoutait Nick le rap jeu à l'instant, la nocturne 100% rap français. Il y a du son de gros dash de Jul qui arrive sur Skyrock. Et là c'est une sorte de collectif qui s'appelle Avengers avec le morceau Il faut sauver le rap français. Vous allez les reconnaître, il y a du SP, Sam Colland Quinte et Robs de Bordeaux. 100% rap français, planète rap. La nocturne. Soldat, et je me cache depuis trop longtemps. Moi je suis vert de rage, alors pardonnez ce couplet. Je suis pas Gandhi, je gagne pas la guerre en prônant la paix. Sois le bon, les pris devant la brute et le truand. Avenger, voilà la rime des mutants. Débutant sur BPM, si le monde s'endort vite, c'est qu'il baisse le game. Prends sa dose d'endorphine, mauvais karma. La concurrence paraît apte, on voit maison de gamin sur la planète trap. Carrière engagement, ils m'ont proposé l'échange. J'avoue l'offre est alléchante. Dans le cas échéant, j'entre dans la légende. Stylo entre les jambes, des mains faites pour sauver le monde. Des oreilles remplies de nerfs. Trouvez le tesseract et des rappeurs qui se perdent. Vendez vos âmes au diable, moi ce qui me suffit de faire, j'envoie mes Avengers voir Lucifer. La guerre a commencé. L'armée des lumières. Entre ombre et lumière. C'est un ennemi d'un nouveau genre. Ils sont là. Dépend de ma musique, dites-moi où sont passés les Avengers. Hey. Nous les lyrics, dites-moi où sont passés les Avengers. Hey. Le rap français perd son pouvoir, il a besoin d'un vengeur. Hey. Ils ont marqué son histoire, mais où sont les Avengers? Hey, hey, hey. Look up in the sky, it's a bird, it's a plane. Il fait mon zéo, le rap game connaît mon prénom. Il fait vraiment phéno, je kick comme un héros. J'amène ta zicotello, ça y est j'ai brisé les chaînes. Je suis dans un créneau de turfu intergalactique, moi je rime sur Mercure, la paix moi la pute. Fais pas de tête, je suis un mutant. Tu crèverais en luttant, enfoiré débutant. Fais ta régime du camp. Là c'est du vrai hip-hop que tu ressens. Wu-Tang Clan, depuis le temps, Zizi Dur Clan. C'est comme mon frérot, au-dessus du rap game. Plane comme un grand héros. Pas besoin de vos bling bling à 30 euros. Excel dans la rime, fine à Montero. Kick comme un challenger, deal comme un manager. Rime au laser, deviens vert, plus un Avenger. On veut nous enlever nos pouvoirs, et je trouve ça chum. Ils veulent plus voir nos sales gueules au social club. Même si t'es le grain de sable, t'as à casser la machine. T'en prie, me touche pas, tu vas gâcher la magie. Oh, ne vise pas tes veines si c'est tes artères. Je ne jugerai pas mes frères si c'était ta paire. Putain, trop de balivernes, je fais mes affaires. Le bâton dans les roues, man, au lieu de me freiner, ça me sert. Si tu veux me tailler un costard, moi, je marche nu. Ne renonce pas, n'en accepte pas le match nu. Le rap va mal, ça fait mal aux beaux airs. J'écoute le rap, le vrai, hein, pas les faux airs. Ils vendent leur âme pour une mallette d'oseille. Le rap, c'était mieux avant, je sais plus, magnéto, serre. La belle époque du vrai hip-hop, elle est déjà loin. Les derniers des Mohicans pour remplacer par des chouins. J'suis pas dans le game, moi j'suis dans mon coin, j'brille de l'intérieur, MC laisse la lumière éteinte. Ice, or noir, eux des chaînes en top. En trade, ça veut ma mort, j'ai l'oreille à spot. J'ai mon mic, une corde, du scotch, à base de pop, pop, pop, pop. Les imposteurs se mangent des coups de crosse. Valeur sûre, ils le savent, va leur dire, j'fais de la pure, ça coupe pas au plat. T'as des guns? D'après toi, fais le malin, tu te feras sauter une couille comme Cheddar dans 8 Mile, hein. C'est ça le danger, y'a plus de plan B. Quand ce que tu rappes te fait flancher. Je suis sincère dans mes textes, mon rap comme le rat Luciano. Le corps du vrai hip-hop est dans le coffre d'un piano. Nye. Dépend de ma musique, dites-moi où sont passés les Avengers. Hey. Les lyrics, dites-moi où sont passés les Avengers. Hey. Le rap français perd son pouvoir, il a besoin d'un vengeur. Hey. Ils ont marqué son histoire, mais où sont les Avengers? Je pensais pas être à la hauteur. Apparemment, je suis. Comment déjà? Avenger. Imprévisible. Narcissique. Et pas fait pour travailler en équipe. Délé, ça fait longtemps que je suis dans le rap, que je déchasse ça. Sur bête, tatini, Hermat, ça rappait sur les toits. Maintenant, ça rappe pour le fruit de valeur et de principe. On balle ta mère, pas de billard, ni de bling bling dans mes clips. Le rap est en danger, je suis venu sauver des forces du mal. J'ai mon armure, Iron Man, trop de MC sont commerciales. Avec pas le monstre en moi, David Banner. L'athlète, c'est intouchable, mes acolytes sont toujours vénères. Je me balade comme un toilette dans le Sahel. Je suis pas le boss de Paname, seulement le boss de moi-même. Le même 4-7 fatigue. Un problème, y'a la scène. En premier, j'tue les otages. Tara, l'armée algérienne. Démon moine, c'est pour les mecs qui ont la rage. Nous voyage comme Superman, solo secours des opprimés dans ce bas monde. S'il faut mourir pour ces idées, j'hésiterai pas une seule seconde. Yo, musique addictive, j'utilise du verbe à 10 rimes. À moi seul, je suis la dream team, style du maître. Le Styx du game, non, le Styx Hour, je te brise une aile, deux, je te twin tower. Le pire maudit à terre, l'aimer des cieux, je vous fais entendre ce que je vois. Fermez les yeux. Tu vois ce que je veux dire? Marvel arpège pour Wolverine. Gène mutant, maladie orpheline. Blockbuster, Beck Benzen. J'crache le feu purple. Bud Spencer, flow à la géométrie alien. Il me pige pas comme un Black Panther. Ta fraternité arienne. Je gomme code sur eux. Des rimes hors normes, crop circle. Ouais, des knockdowns sérieux. SAMM colle aucun détendard. En survol, ovni sur vos têtes. Des bandages de pioto. R.O.P.S. qui est l'homme élastique. Des fourrailles et la poche. Fais du rap, pas de leur plastique. Reviens briser le game avec les frères. Montrer les crocs, le vrai hip-hop. On a marre de se laisser faire. Tu viens t'appoint. À qui c'est d'attendre? C'est pas un clash, juste une mise à la mode. Un pic, une feuille corrosive comme l'amiante. Doré d'acier quand je passe derrière le mic. Tu te la montres, c'est pas fini. Le rap actuel, moi je le détruis. C'est devenu de la variété. Hey, ça m'ennuie, pas une équipe pas nette. Poussé au suicide, venu d'une autre planète. Mais qu'on est invincible, te gifle à travers le mic. Plutôt que baisser mon pussy. Double kick à l'ancienne comme Bruce Lee. Avec ou sans pouvoir, pour nous pas de soucis. Avenger frère, ça sent Bruce Lee. Dans la musique, dites-moi où sont passés les Avengers. Hey. Nous les lyrics, dites-moi où sont passés les Avengers. Hey. Le rap français perd son pouvoir, il a besoin d'Avengers. Le rap est en danger. Fais ma fête pour sauver le monde. Les oreilles remplies de merde. Tu suis dans un créneau de dur, dur, dur fût intergalactique. Venu d'une autre planète. Mais qu'on est invincible. Ses acolytes sont toujours vénères. Du vrai hip-hop que tu ressens. Nos ennemis, on les terrasse. Terrasse, Avenger. 100% rap français. Planète. La nocturne. Cool et MC, ils m'attendent négativement juste pour savoir à leur avis combien je vais vendre. Alors tu veux rapper, j'espère t'as la rage. Autant que moi, les portes arrivent à cage. Autant que moi, les portes arrivent à cage. This is, il débarque dès lundi dans Planète Rap, entre 20 et 21. Un malaise dans la pièce, comme si quelqu'un venait de faire son coming out. Je vais tellement kicker que t'auras que trois mots. C'est oh my god, every greeny corbeille 9-1. C'est mon pédigré, je le mets pas en avant. Mais tu ferais bien de pas l'oublier. Je vais fermer leur bouche une fois pour toutes. C'est haineux tous ces genoux. Je vais les foutre à poil, les faire chanter, danser comme à Cancun. Je pas que cool, je pas que good. Torturé depuis le poisson rouge. Translucide mon 8ème round. J'ai pas fini donc personne bouge. Les MC bougent, P, me regarde rapper. Me rattraper, me voir rater, me voir raquer, voir pouvoir me raqueter. Mais j'aime la boxe, pas le tennis. J'ai les boules et le pénis. Rap génie, je veux être béni. Avoir la foi comme en Tchétchénie. Me casse les couilles, me rendre vulgaire. Rap game de merde. En plein jihad contre mon as, je pourrais tous les foutre à terre. Mais je veux pas, je me rabaisse pas. Je fais de la musique for the people. Pas besoin d'intermédiaire. Leur industrie, c'est l'âge de pierre. Je suis comme un ordi, je rappe en binaire. Voulez que je fasse partie des rappeurs oubliés. Ces gros malins se font des gros billets. Et t'es certain d'avoir tout pillé. Mais j'ai un putain de flow, je suis bien outillé. Je suis mon patron, mon ouvrier. Je me suis affranchi, Scorsese. Pendant que les MC ont des dossiers. Classé X marque d'Orsel. D-I-S-I-Z. J'ai gagné mon respect. À coup de gros track et de gros textes. Tu t'es pris une droite quand t'as presse play. Fuck les Elvis Presley. Les pilleurs de Memphis, j'vaux bien plus qu'une Bentley. J'suis Chuck Berry en Stan Smith. J'suis un assassin en solo. Note mon nom sur ta liste. J'fais de la musique for the people. Pas pour des journalistes. Des pigistes, des pongistes. Parle pas de rap, c'est pas ton registre. T'es qu'un tout petit babtou. Un tout petit bourgeois. Tu fantasmes sur les Kairas et leurs couilles que tu n'as pas. J'suis sûr que t'es négrophile. Tes darons sont négrophobes. T'aimes les noirs comme Claude Guéant. Dans ton lit, pas pour un job. J'suis trop chiant. Je suis get busy, je suis un inrapuptible. Fuck le rap conscient, le rap bling bling. Vive le rap utile. Black, j'ai la plume, je suis trop Cinda Nuka Songo. Je vais tous vous buter comme Django. Donne-moi mes lettres de noblesse, donne-moi mes props, motherfucker. donner cette oseille. Donne-moi mon chèque, motherfucker. Donne-moi mes lettres de noblesse. Donne-moi mes props, motherfucker. J'ai mérité cette oseille. J'sais quoi en faire, motherfucker. Ok, ça parle de rapper. 15 ans que je fais ce métier. Teste pas, ma longévité. J'ai pas que réussi, j'ai aussi raté. Ok, mais à culpa. Pour certains trucs, je plaide coupable. J'étais super dupe, mais toujours sous pas d'opa. Guidé par ma nia, ça partait d'une bonne intention. J'aurais pas dû montrer patte blanche dans certaines interventions. Mais la musique dans la peau, c'était facile de m'instrumentaliser. Mais si t'étais dans ma peau, t'aurais du mal à t'organiser. 24 sur 24 et 7 jours sur 7. J'ai mal au cœur. Je pète un câble, les frères partent en sucette. Pour ça que je fuis le succès, que je sabote ma propre recette. Tu le savais pas, maintenant tu le sais. Je suis qu'une nu, prêt à tousser. Et ma question préférée, qu'est-ce qu'on va faire de toute cette jeunesse qui vit en accéléré, veut faire des chiffres à toute vitesse. C'est le retour de This is la peste. Sur son, c'est This is la test. Ma question préférée, qu'est-ce qu'on va faire de mecs de Tchex rendus sourds à l'amour, des balles en guise de boule caisse. Ma jeunesse pète les plombs pour des grosses fesses, des grosses. Et c'est comme au grec, le système au-dessus de nos têtes. Avec son fusil à aiguiser, aiguise nos épées Damoclès. Mal aiguillé au début, comme le train fou de Denzel. Dans ma rue, Red Bull et vodka donnent plus que des ailes. Ils se transforment en gogol, font des tractions avec leurs auréoles. Les petits disent au juge, donne-moi ta peine de prison qu'on rigole. Je n'ai aucun plaisir à rapper ce que je rappe. Pourtant c'est triste à dire, faut bien que je propose un contraste. Je reviens du pire, je me suis sorti d'un contrat. Je suis pas tout seul, mon nom de famille pourrait être Sonacotra. Plus que vrai, je suis transparent. Comme ça la vie est plus belle. Mon cœur est gros et rouge sang. Le leur c'est du Babybel. Penser que je copie quelqu'un, c'est l'hôpital qui se fout de la morgue. Personne n'invente plus rien, juste l'agonie qui se fout de la mort. Les signes extérieurs de richesse cachent des preuves intérieures de pauvreté. Je défoncerai vos palais comme un joueur de hockey. L'État manipule le diable comme un magasinier. Et j'ai bien peur pour changer ça, faudra plus que s'indigner. Aveugle comme des cyclopes borgnes, font des coupes-gorges au destin et rêvent de compte offshore. Je fais partie de ces MC qui se sentent obligés. Je répands l'amour comme le sida sans me protéger. Je fais pas d'oseille sur la misère, leur rap est fratricide. Mauvaise influence sur les frères, ont oublié que par ici on te monte en l'air et te descend du bout des doigts comme une chaise de bureau. Donc j'envoie du love, c'est ma part du boulot. Donne-moi mes lettres de noblesse, donne-moi mes props, motherfucker. J'ai mérité cette oseille, donne-moi mon chèque, motherfucker. Donne-moi mes lettres de noblesse, donne-moi mes props, motherfucker. J'ai mérité cette oseille, je sais quoi en faire, motherfucker. Je vais tellement tous les crever, croiront que leur nom de famille c'est RIP. Si c'est le nerf de la guerre, je fais pas de l'oseille, je fais du PIB. Mon style de rap est prohibé. J'ai trop d'idées, je suis pas trop intelligent. C'est juste toi qui es trop teubé. Ils disent d'ici c'est du rap intello. Eux ne font que des jeux de mots. Les initiales MC chez eux, ça veut dire maître Capello. Des punchlines caramba, tous convaincus que c'est bien. Avec vos jeux de mots tout naze, des MC Patrick Sébastien. Rappeur débile dans ma ligne de mire, c'est ma bataille de bas. Y'a pas de bas, c'est d'aide. Et de rap en rap, c'est de pire en pire. J'ai pas une barre pour rien, j'ai pris du poil de la bête. Des rappeurs solo, j'ai la force d'un groupe. Pendant que tu les bois, moi je mets des goûts. Prends soin de ma sape, soin de ma coupe, prends soin de ma femme, soin de mon couple. Et je fuis le succès, je sabote mes propres recettes. Tu le savais pas, maintenant tu le sais. Je suis qu'une nuit prêt à tousser. Plus rien à cacher, je suis détaché. Dans le sens où je n'ai plus de tâches. Je me suis fâché, autoclashé, je ne suis plus en otage. À tous les étages, le building brûle. Putain j'ai la rage, une bulle. Revenu comme Jordan, au Chicago Bulls. Maintenant les gars me calculent, damn. This is, dès lundi dans Planète Rap, entre 20 et 21, l'album est dans les bacs. Il s'appelle Translucide. C'est la nocturne 100% rap français sur Skyrock. Avec Big Flo et Oli à écouter maintenant. Allez vous faire enculer, foncer dans le mur, ne jamais reculer. Ne plus rêver de s'envoler, brûler ses ailes soi-même. Partir en couille, faire un coup de tête, fuck le problème. 100% rap français, Planète Rap. La nocturne. Monsieur tout le monde, allez mater le clip aussi avec Yann de Brève dedans. Big Flo et Oli, on écoute dans la nocturne 100% rap français.

touche le monde car j'en ai fait une parabole. Je veux comprendre tous ceux qui se tapent pour s'unir, avec le prétexte que rien faire c'est subir. Tous les parcoureurs de globe sans aller au bout de leurs idées, quand ça chipote, combien te lanceront, j'y vais. J'attends qu'un regard s'allume, on part sur une île. Soyons hors ligne, connectés, munis d'une vision remplie de légèreté. Au gré des hauts, des bas, les vertes des pas mûrs, finir par s'épanouir. Des crochets, des pétales, en faire une armure. Quand on blesse, quand on saigne, même c'est pour de vrai. Par ma d'amitié, les coups de serré, fais-nous rêver. On va y par sans personne. Mais ta rime pourra perdurer. Lâche pas tes membres pour te faire du blé. Qu'est-ce que tu fais sans personne? Avant ma première fois au mic, j'étais nobody. Grosse babine pleine de phases, mais c'était trop facile. T'as mis 10 000 que j'y arriverais pas, de quoi tu causes papy. Si t'as du flow, on se retrouvera, monsieur Hawks l'a dit. Les vrais bonhommes tiennent parole, mais à l'époque, dans mon RERB, je me sentais bien carotte, mon gars. Plongé à 20 milieux sous la mer, tenté que j'ai pu défaire tomber, puis retomber pour de la neige. T'es personne si t'as pas vu que les crapules dirigent. T'es personne face à des fourrailles, ça tire sur Civi. T'es personne avant que t'aies vu ton gajo mourir, avant que t'aies bu une caille bisouille, avant que t'aies vu la statue du Christ. Vis tes rêves, frérot, vise les fraises. Personne va te faire la courte échelle, vu que c'est pas Disneyland. J'ai pris du poids comme le P de Puccino. Suis ton dream, passe des sautes pour pas finir en Punchipo. Quand on blesse, quand on saigne, même c'est pour de vrai. Par ma d'amitié, les coups de serré, fais-nous rêver. On va y par sans personne. Mais ta rime pourra perdurer. Lâche pas tes membres pour te faire du blé. Qu'est-ce que tu fais sans personne? Comme Dash, j'attends mon heure et ça va si vite que j'ai cassé l'aiguille, c'est ça mon bonheur. Je trace, carpe diem, loin de ton maître, boulot dodo mogo. Time is money, parole de cadeau, go bien bien songo. Je viens qu'avec mes proches. Prends la vie, telle une cloche, trop tard dès qu'elle sonne. On est nulle part sans personne. Foiré, carpe diem, loin de ton maître, boulot dodo mogo. Quand on blesse, quand on saigne, même c'est pour de vrai. Par ma d'amitié, les coups de serré, fais-nous rêver. On va y part sans personne. Mais ta rime pourra perdurer. Lâche pas tes membres pour faire du blé. On va du fa sans personne. On est pas sans personne. Quand on blesse, quand on saigne, même c'est pour de vrai. Par ma d'amitié, les coups de serré, fais-nous rêver. On va du fa sans personne. Tu n'es personne. Anonyme, mais ta rime pourra perdurer. Lâche pas tes membres pour faire du blé. On va du fa sans personne. Dash, Oxmo Puccino avec personne. 100% rap français, planète. La nocturne. Sénégal, DKR. Tiers-monde et Phoenix maintenant. Sénégal, DKR. Sénégal, DKR. Le tiers. Faut que j'arrête au hammam. Dans ma tête c'est le Mississippi. Dans ma bouche c'est l'Alabama. Frère ici c'est le boss. Dommage boss. Avec le boss Konaté. J'suis du stock. Le cul de gauche. Je me drogue. On m'a fait. On m'a fait. Crash sur la tombe à Bonaparte. Tourbus de célébrité. Fais une place à Rosa Parks. Mec de cité pour ma part. Posé dans ma guesta. Innocent monsieur le juge. Sur la tête à Ned Stark. Ici, ici c'est la guerre. Ici, ici c'est la guerre. Nos parents ont baissé la tête. Toute leur vie à regarder par terre. Si j'avais su ce qu'ils avaient fait pour me payer ma paire de Nike Air, j'aurais marché pieds nus. Fais le moonwalk en avant, en arrière. En mauvaise conduite. Mais tu sais ce qu'on dit. Je dis qu'un mec à moitié mort est à moitié en vie. Esclave ou metto. Pis en auto. Pis car le fer est la viande dont le fort se nourrit. Viens fouetter, on vient chercher nos culs. Je passe à ton maçon, me demande pas si ça m'a plu. Viens pas dans ma cité, mes gros t'ont jamais vu. On veut faire le tour du monde, on veut plus faire de garde à vue. Fais pas chier, je ne change pas, j'évolue. Fais pas chier, je ne change pas, j'évolue. Fais pas chier, je ne change pas, j'évolue. Fais pas Faut que j'arrête de ramam. Dans ma tête c'est l'île de Corée. Dans ma bouche c'est Harriet Tubman. J'suis un phénix, je suis né à la mort Malcolm. Je suis né à la mort Luther. 27 ans demande à Nelson. Ok c'est tiers monde BIP. La vérité éclate comme une prothèse BIP. Des chaînes de fer aux chaînes en or, je concrétisais. Passer les champs de ghetto, direct aux Champs-Élysées. Faut qu'on passe esclaves à Nanty, ok. Passe du bloc à l'amphi, ok. Passe des armes à Gandhi, tant pis pour toi si tu ralentis. Qu'on passe du rap, sa chef d'entreprise, ok. Qu'on le pense, qu'on le dise, ok. Monopole aux Yankees, pour mes Africains des Antilles, ok. Où sont nos quotas? Nos peines sont lourdes. Le seul noir met des blancs en trousse. Tiger Woods. J'suis all black, all white. Le seul noir qui a un bon contrat c'est Barry White. Viens fouetter, on vient chercher nos culs. J'suis pas ça dans ma zone, me demande pas si ça m'a plu. Viens pas dans ma cité, mes gros t'ont jamais vu. On veut faire le tour du monde, on ne veut plus faire de garde à vue. Fais pas chier, je ne change pas, j'évolue. Fais pas chier, je ne change pas, j'évolue. Fais pas chier, je ne change pas, j'évolue. Fais pas chier, je ne change pas, j'évolue. Phoenix, Monopolo. Personne voulait nous ressembler avant, t'as vu. À part Johnny Clegg, Savuka, tout ça. Maintenant ils veulent ressembler à Lil Wayne, Kanye West, Monopolo. Fini le temps de Mr. Popo, fini le temps où on mourait dans le film, non. Fini le temps où on mourait dans le teaser, frère. T'imagines, on crevait dans le teaser, tu vois le truc. Maintenant, on fait nos propres films, on fait notre propre musique, on fait notre propre bouffe, notre propre sport. Y'a pas de problème, on est en place. Ça veut pas dire qu'on travaille pas avec les autres. La musique est écrite par un black, composée par un white. Y'a pas de problème. Maintenant qu'on connaît les règles, on peut jouer ensemble. Monopolo. Tiens. Viens fouetter, on vient chercher nos culs. Je suis pas ça dans ma zone, me demande pas si ça m'a plu. Viens pas dans ma cité, mes gros t'ont jamais vu. On veut faire le tour du monde, on ne veut plus faire de garde à vue. Fais pas chier, je ne change pas, j'évolue. Fais pas chier, je ne change pas, j'évolue. Fais pas chier, je ne change pas, j'évolue. Fais pas chier, je ne change pas, j'évolue. Fais pas chier, je ne change pas, j'évolue.